À l'occasion de la Journée du Soleil, sont arrivés le 13 à Pyongyang par avion la délégation du Parti populaire révolutionnaire de Mongolie, conduite par son secrétaire général Eridene Jamyan, la délégation du Parti Zatia du Bangladesh, conduite par Mostafa Zamal Haider, secrétaire général du Conseil exécutif national, la délégation du Parti uni islamique de l'Iran, conduite par son premier secrétaire adjoint Seyed Mehrdi Julai, et la délégation du Parti national socialiste uni du Népal, conduite par son secrétaire général du comité central, Sankar Lal Shrestha. Le même jour, sont arrivés aussi Antonio Latti, secrétaire général de la commission diplomatique du Sénat du Parlement italien, et sa suite.